Ceux et celles qui font du sport n'ont pas beaucoup de bonnes nouvelles ces temps-ci, mais la municipalité de Saint-Eugène-Milo a vraiment, ils cherchent salut ça, a annoncé au cours des derniers jours un investissement de 150 000 $ dans une piste qui s'appelle Pump Track. Ça s'adresse à pas mal toutes les jeunes, les moins jeunes et ainsi de suite. Et on va parler de ce nouveau concept de faire du sport, du vélo et ainsi de suite avec la responsable des loisirs, Chantal Arnaud. Salut Chantal! Allô Danny, ça va? Ça va bien Chantal. C'est une belle nouvelle parmi il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour ceux et celles qui font du sport là, de Saint-Cy, mais ça en est une belle. Un investissement de 150 000 $ dans la municipalité de Saint-Eugène-Milo dans une piste qu'on appelle Pump Track. J'ai jamais entendu parler de ce sport-là avant cette semaine, quoi. J'aimerais que tu m'en expliques davantage. Ouais. C'est quoi ce pump track-là et où vous avez de où est partie l'idée? Bon, le pump track là, commence à être de plus en plus populaire au Québec. Il y a de plus en plus d'adeptes, mais ça part de l'Europe, ça. Okay. C'est en Suisse que ça a commencé. En fait, là, c'est une piste qu'on aura la première, puis c'est important de le mentionner. C'est pas le premier pump track qui va être au lac Saint-Jean parce qu'il y a deux sortes de pump track. Il y en a qui sont en sable avec des vallons pour, dans le fond, c'est comme pomper ton bicycle. Puis ensuite, c'est de moins pédaler possible parce que la dénivellation qui se fait dans le pump track fait en sorte que ton bicycle avance pratiquement tout seul. Ah ouais, okay. Il y a celui en sable là, comme ils ont à Saint-Pétitien. Mais nous, on aura le premier au Lac-Saint-Jean en asphalte. On va avoir un pump track de 650 mètres carrés d'asphalte. OK. 650 mètres, ça veut dire 1800 pieds à peu près. Oui, c'est ça. Il y a un croquis, il y a un dessin que je vais probablement mettre sur le Facebook de la municipalité, okay. S'il y en a qui veulent aller voir. C'est ça. Puis moi, l'idée, là, c'est que j'ai vu justement, il y a eu une vidéo qui a circulé sur Facebook, celui de Jonquière. Puis nous, on est à tout refaire le parc central multigénération qui se trouve être en arrière de l'école, en arrière de l'église, là, toute la rue Penneau, tout le quadrilatère là. Et puis, on avait l'idée de faire un skate park. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, crime, tu sais, c'est après quelques petites recherches, ben je savais que on irait chercher une plus grande clientèle, des jeunes, des moins jeunes, les parents avec les enfants, puis plus que juste un skate. Comme ouais. Un skate park, ça, tu sais, tu peux pas quasiment aller là-dedans. Tandis que là, le pump track, c'est en patin, c'est en trottinette, c'est en BMX, c'est en vélo de montagne, c'est même en skate aussi. Puis c'est plus une grande catégorie d'âge aussi qu'on va aller chercher. Fait que de là est partie l'idée. J'ai fait une présentation au conseil municipal avec le plus d'informations possible. Je les ai même montré en vidéo parce que, justement, c'est pas facile à expliquer. Non, c'est... Alors, écoute, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je suis j'ai une radio sportive. Je voulais que mon projet soit accepté par le conseil. Donc, je les ai mis l'eau à la bouche en leur montrant une vidéo. Le conseil a embarqué à 100 000 à l'heure avec moi là-dedans. Fait qu'on est, on a travaillé le projet, on a fait la présentation à la MRC parce qu'on a un fonds de la MRC là, qui nous aide à défrayer les coûts du projet. On a des subventions, mais des commanditaires okay. qui ont embarqué avec nous aussi. Pharmacie Jean Coutu de Dolbeau-Mistassini, okay. Caisse du Nord du Lac-Saint-Jean. On a nos entreprises locales ben oui. aussi qui vont avoir à nous, ils vont nous donner des commandites aussi, soit en temps ou en matériel ou en prêt d'équipement. Mais c'est de là tout le projet. Puis on est rendu à avoir une date de commencement de travaux là, ben oui. Qui devrait être à la mi-juin. Dans le projet, est-ce qu'il y a un système d'éclairage? Il n'y a pas de système d'éclairage. Par contre, l'été, on a toujours il est sur le bord, il est comme à côté de la rue, fait qu'il y a la lumière de l'école, okay. Il y a la lumière du HLM, il y a les lumières du terrain de tennis aussi qui vont être allumées dans les soirs de semaine. Ah, fait que ça va être assez clair pour pratiquer le soir. Fait qu'il n'y avait pas besoin de ça. Ah oui, je ferais, oui. Okay. Non, non, c'est sûr, je créerais que ça serait, ça va être assez éclairé pour en pratiquer là, quand ils veulent. Là. OK. Dis-moi, ça va-tu être long à organiser? Ça va-tu être long Non, à se faire... Ouais? on prévoit, là, le contracteur qui fait ça prévoit, lui, sa partie à lui, environ 15 jours. Puis, je dirais là que un mois et demi, là, tout, parce que là, la pelouse, après ça, il faut clôturer, hein, parce que là, faut quand même pas. On dit qu'on va chercher large, là, mais faut quand même pas que ça rentre là-dedans avec le 4 roues, là, tu sais. Fait que, ouais. C'est pour ça que. Mais tout l'ensemble de on s'attend là que au plus tard, fin juillet, ça va être terminé. Puis vous allez commencer quoi, juin? Début juin? Ça va commencer à peu près la mi-juin, ouais. Le contracteur là, qui okay. fait ça va arriver ici à la mi-juin. Pour lui, 15 jours, ça appartient à lui. Puis nous, ben, il va nous rester notre partie à nous autres à faire, là, que, comme je te disais, l'aménagement, la pelouse, c'est tout nous autres, ça, qu'on s'était gardé ça en contrat, là, dans tout l'ensemble là, de l'œuvre. C'est quoi la réaction à Saint-Ludger-Milot, les jeunes? Parce que je sais que c'est un village, écoute, je viens de Saint-Augustin, fait que je sais que de quoi que je parle, là, je connais très bien Milot, c'est un village très, très dynamique. C'est quoi la réaction? Les oui. jeunes doivent être contents, puisque le skatepark... Les jeunes, les parents. Écoute, j'ai eu des messages en privé ouais. de parents me disant merci, merci de faire ça pour nos jeunes. Le monde est triste, là. Surtout dans cet incite, les jeunes ont... J'entends, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les jeunes, on les oublie complètement, là, dans cette histoire de COVID-là. Ben, c'est ça. Que je trouve ça vraiment bravo, je trouve ça génial. Est-ce qu'il peut y avoir dans ça, est-ce que c'est vraiment participatif ou ça peut même avoir des espèces de compétitions? Oui, il peut y avoir des compétitions. Puis je te dirais que je vais te faire un petit coup là, mais parce que puis pas, je te dirais pas trop parce que je suis pas encore assez avancée. Okay. Mais on est en train d'organiser pour un espèce de lancement, mais avec une firme qui est capable de donner des petits cours là puis une façon de faire là une inauguration. C'est très méconnu là. J'imagine c'est très très méconnu là. Oui, c'est ça. C'est méconnu. Puis fait que là, on est en train de. Puis c'est récent là que j'ai un monsieur à appeler pour ça. Fait que c'est sûr que les gens vont avoir plus d'informations là en temps et lieu. Mais oui, effectivement là, on veut. Puis il pourrait y avoir des compétitions. Mais là, jusque où ça va, puis qu'est-ce ouais. que ça prend comme organisation, ça je le sais pas. Mais nous autres là, le but là, Dani, c'est que on a fait une politique familiale hein, en 2016. On avait des objectifs. On a eu un sondage. Il y avait des demandes des parents de mettre des infrastructures pour les. Fait que nous autres, notre but là, c'est pas nécessairement de gagner de famille qui s'en vient à Milo, mais on serait bien contents. Mais déconserver, de pas en perdre. Ouais, alors, faut s'organiser parce que sinon, ben on s'organise pour les gens. T'sais. Ils ont tendance à dire, bon, ben là, on va aller en ville, on va être plus proche des sports, on va être plus proche. Fait que, bon, mais ce qui vous aide aussi, c'est 45 minutes. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même loin d'Alma, c'est quand même un petit bout loin de Dolbeau-Missassini sur certains oui. aspects. Oui. Ça vous aide, ça, par exemple. Oui. Pour les commerces puis pour l'institut. Il y a des gens qui aiment la campagne, ouais, mais les commerces, on est très, il y a du monde de la ville là qui arrête à l'épicerie chercher le viande là, puis ils partent d'Alma là, on n'est pas à plaindre là, on a des bons commerces puis qui fonctionnent bien, puis je pense que les gens sont fiers de ça puis on les encourage. Avant de faire tes recherches, quand tu as eu ce projet-là, tu as dû sûrement faire des recherches. On parle de la pump track, mais est-ce que c'est en pleine évolution? Est-ce que c'est en pleine expansion, ce genre de piste-là? Sûrement, parce que là, vous êtes la première au Lac-Saint-Jean. C'est de plus en plus. Absolument, okay. C'est le premier au Lac-Saint-Jean asphalté, mais je sais que la ville d'Alma le prévoit aussi. Au courant de l'année, je pense, de ce que j'ai vu dans le journal, parce que il y avait une journaliste qui était présente à l'Assemblée de la MRC quand mon projet a passé. Et puis, je pense que c'est de plus en plus populaire. Cependant, ça se fait pas par n'importe qui, puis ça prend vraiment la firme, les firmes, là, puis ils sont juste deux en Amérique du Nord qui construisent des pump tracks. Il y a juste deux firmes en Amérique du Nord qu'ils font. Fait qu'on peut, on peut penser que sont bien loadés là, pour les prochains mois. Je comprends, c'est une piste asphaltée, mais c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est pas n'importe qui, c'est pas un contracteur. Un contracteur en excavation, lui, il va fournir le matériel. Mais eux autres, là, Vélo Solutions, c'est eux autres qui le font. Puis ils sont spécialisés là-dedans, ils ne font que ça. OK. Ben, bravo, Chantal. Bravo. Quelle hauteur. Je peux juste te féliciter. Je peux juste, parce que ça semble que c'est toi qui as eu l'idée, là. Félicitations. Oui, bravo. Oui. Les jeunes, en ben, marge, une maudite de cet incite en tant que COVID. Puis faut, quand il y a des bonnes nouvelles et des bons coups, il faut le dire aussi. Hey, Chantal, puisque tu es responsable des sports à Saint-Eugène-Milot, le rodéo, ça s'enligne comment? Parce que je sais que c'est au mois d'août, ben, mais vous attend, on est un peu suppose, hein? On attend les recommandations du gouvernement. Puis on le sait pas. Il va, même si on roule, ça va-tu être encore limité? Des gros rassemblements, ça va-tu être encore demandé d'éviter ça pour l'été? On le sait pas. On attend. On fait que là, vous faites rien, là. Vous, parce que vous préparez rien. Vous êtes. L'année passée, on était quand même les spectacles étaient quand même décidés, on était commencé à regarder, donc on a mis ça sur pause. Fait que si le gouvernement nous dit ben OK, les festivals ils vont avoir lieu, ben on va se revirer de bord puis on va le décoller. Là, ça sera pas c'est quand même rodé, là. Le Milot à Rodéo, il est pas rodé, là. Oui, ça va être un petit peu plus d'ouvrage, puis vite, là, surtout pour la vente de billets, parce qu'on est quand même, les entrées sont gratuites là, depuis l'année 2019. Mais vous en avez vu d'autres, il y a quelques années, on se rappelle ce qui s'est passé. C'est toi qui as pris la relève à 2 jours on sait ce qui s'est passé, là. Fait que regarde, vous en avez vu d'autres, là. Fait que, c'est parce que il y a quand même des réserves, même si vous n'avez eu d'autres, il y a des réservations à faire, il y a des choses à faire que, fait que ça. Mais on est prêt, puis on va mettre on va mettre les bouchées doubles un peu, puis si jamais que le gouvernement nous autorise, on va y aller avec le rodéo cette année. Vous autres, avez-vous fait une patinoire extérieure cette année? Oui. Même s'il y a eu des interdictions. Oui, sauf qu'on n'ouvrait pas le bâtiment des joueurs tant qu'on était en zone rouge. OK. Là, le bâtiment des joueurs est ouvert depuis la semaine passée. Ben, depuis lundi là, qu'on a ouvert. Mais la patinoire, les bâtiments étaient pas mais étaient faits quand même. Les gens pouvaient aller patiner quand même. OK. Ben, bravo! Rien que ça te dire, comme ben, merci, Dani. Chantal, quand est-ce que, donc, juillet, ça devrait être ouvert, j'imagine que ça va faire toujours, c'est toujours quand ça ouvre, surtout essayer ça, je pense que les jeunes vont essayer puis, ça. Oui, si on fait, là, comme on a parlé, l'inauguration avec l'initiation aussi, là, on va faire une publicité là-dessus, fait que tu vas sûrement voir ça passer, là, en quelque part. Ben, merci beaucoup, on s'en parle un autre temps, Chantal. À ce moment-là. Voilà, donc Chantal Arnault, la responsable des loisirs à Saint-Louis-du-Midi.